le vent s'est levé, et là-haut au premier, ce volet qui bat, ne ferme toujours pas. Ce volet grinçant cachait notre amour. Tu m'avais promis, mais un jour comme un autre, je t'ai attendu jusqu'au petit matin, mais tu n'es pas venu. Les mois ont passé et malgré moi j'attends, je t'attends encore et pourtant, pourtant même si tu revenais, je crois qu'il y a que rien n'y ferait. Notre amour n'aimera jamais, je souffrirai trop si tu revenais. Même si tu revenais, je crois qu'il y a. Son, I have something to say. And what he told me I'll never forget until my dying day. He said, son, you are a bachelor boy, and that's the way to stay. Son, you be a bachelor boy until your dying day. When I was 16, I fell in love with a girl as sweet as can be. But I remember just in time what my daddy said to me. He said, son, you are a bachelor boy, and that's the way to stay. Son, you be a bachelor boy until your dying day. As time goes by, I probably will married, have a wife and a child, and they'll be my turtle dove. But until then, I'll be your bachelor boy, and that's the way I'll stay. Happy to be your bachelor boy until my dying day. Yeah, I'll be your bachelor boy, and that's the way I'll stay. Yeah, yeah. Your bachelor boy until my dying day. Nostalgie 60. Disponible 7 jours sur 7. 24 heures sur 24. Nostalgie. Yeah.

que ses cheveux sont dorés. Je l'appelle cannelle parce que sa peau est sucrée. Si vous voulez savoir comment je le sais, c'est parce que je l'écoutais. J'ai un oiseau qui chante en frétillant des ailes. J'ai un oiseau qui chante rien que pour toi, ma cannelle. J'ai un oiseau qui chante sans jamais se lasser. Si tu veux entendre mon oiseau, viens chez moi au plus tôt. Sa peau est sucrée. Si vous voulez savoir comment je le sais, c'est parce que je l'ai goûté. My boy lollipop, you make my heart go giddy up. You are as sweet as candy, you're my sugar dandy. Artistes des années 60. Nostalgie. Young girl, get out of my mind. My love for you is way out of line. Better run, girl, you're much too young, girl. With all the charms of a kept the secret of your youth.

rose. L'important, c'est la rose, crois-moi. Nostalgie. Il est une heure. Une furieuse envie de chanter. We must surely be learning. et toute la nuit. Oh, le pauvre vieux, mais qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit ça ne fait rien, tout va très bien, j'oublie mes ennuis, après tout tant pis. C'est que c'est la vie. Qu'il me l'a présenté. Alors il arriva forcément ce qui devait arriver. Oh bah mince, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit ça ne fait rien, tout va très bien, j'oublie mes ennuis, après tout tant pis. Si c'est la vie, ça c'est la vie. Et si vous avez vous aussi près de vous un ami qui comme les miens a eu des coups durs dans la vie, ne le brusquez pas, essayez de comprendre ses soucis. Il viendra vous voir, dites-lui, je vous en supplie. Bon, alors, qu'est-ce qu'on lui dit? On lui dit ça ne fait rien, tout va très bien, oublie tes ennuis, après tout tant pis. Si c'est la vie, tu pleures ou tu ris, tu n'as pas choisi, tout ça c'est la vie. Chosen hands to make me blue.

kids, cuckoo for two, Mrs. Robinson, Jesus loves you more than you will know. Whoa, whoa, whoa. God bless you, please, Mrs. Robinson. Napping holes and baseball holes to pray. Hey, hey, hey. Matter of fact, neither do I. Then standing on the corner, watching all the girls, watching all the girls go by. I'm the cat that got the cream. Haven't got a girl, but I can dream. Haven't got a girl, but I can wish. So I take me down to Main Street, and that's where I select my imaginary dish. Standing on the corner, watching all the girls go by. Standing on the corner, giving all the girls the eye. Brother, if you've got a rich imagination, give it a whirl, give it a try. Try standing on the corner, watching all the girls, watching all the girls, watching all the girls go by. Saturday, and I'm so broke. Haven't got a girl, and that's no joke. Still I'm living like a millionaire when I take me down to Main Street and I review the harem parading for me there. Standing on the corner watching all the girls go by. Standing on the corner underneath the springtime sky. Brother, you can't go to jail for what you're thinking, or for the look in your eye. You're only standing on the corner, watching all the girls, watching all the girls, watching all the girls go by. Le meilleur des 60s, 24h sur 24. Nostalgie 60. Nostalgie. Reviens-moi, je t'en supplie. Je t'en supplie. Sans toi se brise ma vie. Brise ma vie. Car si s'achève la romance. Et la romance. Alors je n'aurai plus de chance. Non, plus de chance. Ouais, mais si tu es lassé de cet amour fané, reste. J'irai tester le blues et puis le blues. En serrant dans mes bras, bien d'autres filles que toi. Mais si tu penses à moi, si tu t'ennuies déjà, reviens-moi. Oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh.